Audiomatic. Nous venons d'entendre la première incarnation du groupe Praxis pour ouvrir la transmission 172 d'Audiomatic. Donc, cette pièce qui n'a absolument rien à voir avec le style plus funk metal grindcore pour lequel est reconnu ce groupe conduit par l'artiste Bill Laswell. En fait, la pièce que nous avons entendue, qui s'intitule 1984, a justement été produite en 1984 pour le mini-album intitulé également 1984, soit un peu plus de 10 ans avant la parution du premier véritable album de Praxis, qui lui se nomme Transmutation. Une autre transmission d'Audiomatique avec toujours les mêmes électronistes vous présentant des musiques particulièrement électroniques à différents degrés et provenant de styles divers et d'époques variées. Again. Cette séquence musicale à Audiomatique se terminait avec l'artiste montréalais Régent Gariépy et son projet Reggie's Experience, qui nous interprétait la chanson A Thousand Flames de son plus récent album Polyphonics, sorti le 18 janvier dernier. Vous pouvez en faire l'écoute sur son profil Bandcamp au Reggie's Experience en un mot, .bandcamp.com. Et pour débuter, il s'agissait bien sûr des Chemical Brothers avec leur composition Hoops de leur album Come With Us paru en 2001. Le groupe Rutter Sand nous offre maintenant sa version de la pièce The Night, originalement composée par Lights of Euphoria. Yes. We'll be right back. avez l'air d'avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Enfin, pas comme vous croyez. La séquence musicale se terminait sur la musique du groupe montréalais Headscan et sa pièce Singularity, qui se retrouve sur leur premier album Shaper and Mechanist, paru en 2001. Avant Headscan, nous entendions le projet Deep Sky et une version de sa pièce Until the End of the World qui paraît sur la compilation Naturalizer de l'étiquette de disque Kinetic Records. Et avant, il s'agissait de la pièce The Night, composée par Lights of Euphoria, dans une version retravaillée que nous offrait la formation Rotter Sand. Il est possible de trouver cette version sur l'album de Lights of Euphoria intitulé Gegendenstrom. Audiomatique se décline avec cette fois le projet canadien Texture and Light. Thank you. Thank you. nous entendions la chanson « Every When » de Massive Attack, accompagnée par le chanteur jamaïcain Horace Andy, extraite de leur album « 100th Window » lancé en 2003. Et ce doublé musical à audiomatique était introduit par l'artiste canadien Trevor Refix et son projet « Texture and Light ». Nous vous avons présenté de son tout dernier album « Eat Magic » la pièce Merlin. Vous pouvez explorer les différentes parutions de Trevor Refix sur son profil textureandlight.bandcamp.com. La fin de la transmission 172 sera assurée par le projet Estero et sa pièce Swallow Me, tirée du premier album Breath From Another, sorti en 1998. Nous en sommes au moment de l'émission où nous prenons officiellement l'engagement d'être présents le mercredi suivant sur les ondes de C'est fou à compter de 17h pour donner vie à la prochaine transmission d'Audiomatique qui en sera la semaine prochaine à sa transmission 173. Nous faisons également tout en notre pouvoir, pour que vous ayez accès à nos anciennes émissions, principalement sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Estero et la pièce Swallow Me. Bonne écoute, bonne soirée, bonne semaine. C'était Audiomatique avec les électronistes.